le concert de piano. Une maman qui souhaite encourager son fils à parfaire ses progrès au piano l'amène un soir à un concert de Paderewski. Alors qu'ils viennent de prendre place dans la salle, la maman voit une de ses amies dans le public et descend l'allée pour aller la saluer. L'enfant saisit cette occasion pour bien observer la salle de concert. Il se lève et se dirige vers une porte qui porte la mention « Entrée interdite ». Les lumières dans la salle s'éteignent car le concert va bientôt commencer. La mère retourne vers son siège et constate que son fils n'est plus à sa place. Au même moment, le rideau se lève et les projecteurs sont braqués sur le merveilleux piano à queue Steinway. Elle sursaute en apercevant son fils. Il est assis au piano et essaie tranquillement de jouer l'air de « Twinkle, twinkle, little star ». C'est alors que le grand maître fait son entrée. Il se dirige tout droit vers le piano, va vers le garçon et lui souffle dans l'oreille. « Ne t'arrête pas, continue de jouer !» Avec la main gauche, Paderewski commence à jouer les basses. Et tout de suite après, il met sa main droite du côté de l'enfant et joue un obbligato endiablé. Le vieux maître et le jeune débutant ont réussi ensemble à transformer une situation inattendue en une expérience créative. Le public est comme hypnotisé.